Ola musangi elodi na mpongi Abele makolo kamela elelo amalo mobali Na mongongo ya mpokwa Olingo inzi ya molae Molae Matombo lakana mbomo sabite Yango ya lite mungwa na dile Omeki kangi Elodi ya Abete lio libako ya Merci à l'Idamé. ya biso bato makolo rendez-vous be wana Benjamin Ansi le seul leader des ténèbres l'oreille d'un chaco Bibi Chamoudingaï et c'est pourquoi Pipi Soubi JJ